Bonjour à toutes et à tous, c'est Michel pour sa chronique du jeudi matin sur RGM. Voilà, alors on va parler de Vosges pour la paix, hein, qui ont donc distribué des tracts tout au long de la manif, donc du 5 décembre. Alors Vosges pour la paix s'est associé au mouvement du 5 décembre, et leur déclaration est quand même particulièrement bonne à prendre en compte. Que dit Vosges pour la paix ? Macron nous fait la misère, mais il prépare aussi de prochaines guerres. L'ARAC et le mouvement de la paix soutiennent le mouvement social lancé le 5-12-2019. Les crises actuelles que traversent et bouleversent notre société sont diverses et liées, sociales, économiques, culturelles et écologiques. La réponse pour le bien vivre de toutes et tous devait être démocratique et apaisée dans ses méthodes et sociale, humaine et solidaire dans ses contenus. Or, la réponse du pouvoir actuel s'exprime par l'absence d'écoute et de dialogue, par la violence policière et la répression, et le caractère régressif de ses propositions sociales, en particulier pour les retraites. Du point de vue économique et social, on assiste à la mise en place de mesures inégalitaires, de régression sociale et de discrimination qui sont source de violence et d'insécurité. La réforme des retraites est à interpréter dans ce contexte et constitue une violente attaque contre un système de retraite par répartition qui est solidaire, alors que le système par points va fragiliser la vie de millions de retraités et de fait allonger la durée d'activité et rétrécir la durée de vie, tout en enrichissant les compagnies privées d'assurance. L'objectif principal du gouvernement est de limiter le montant des ressources consacrées aux retraites dans le PIB à 14% du PIB 2017. Pourtant, les ressources existent. En effet, les injustices fiscales et salariales, le chômage massif ainsi que l'évasion fiscale constituent des violences sociales et privent les budgets sociaux de l'ordre de 100 milliards d'euros par an. Par ailleurs, le gouvernement gaspille des milliards d'euros au profit du lobby militaro-industriel français et prive les budgets sociaux et la transition écologique de ressources financières et scientifiques importantes, en doublant les crédits consacrés au nucléaire militaire de 3,4 à 6,7 milliards par an. Loi de programmation, livre blanc de la défense et revue stratégique. Pour la construction de nouvelles armes atomiques, alors qu'à travers l'article 6 du traité de non-prolifération nucléaire, la France est engagée à les éliminer et que le traité d'interdiction des armes nucléaires, adopté par l'ONU en juillet 2017, prévoit l'interdiction de ces armes illégales, dangereuses, coûteuses, militairement inutiles, éthiquement inadmissibles. En engageant aussi des programmes pluriannuels de modernisation des armes nucléaires, dont le coût global est évalué sur 10-15 ans entre 70 et 100 milliards d'euros. Loi de programmation et livre blanc de la défense et revue stratégique. Toutes ces mesures sont contraires à la culture de la paix et de la non-violence définie par les Nations Unies, mais aussi aux principes et valeurs des constitutions de l'OIT, Organisation internationale du travail, et de l'OMS, Organisation mondiale de la santé. Pour toutes ces raisons, le mouvement de la paix et l'ARAC apportent leur soutien aux mouvements sociaux en cours et en particulier à la journée nationale de grève et de manifestation du 5 décembre et celles qui suivront. Le mouvement de la paix est par ailleurs conforté dans son positionnement liant justice sociale, action climatique et désarmement nucléaire par les déclarations du pape François à Hiroshima et Nagasaki les 22 et 23 novembre 2019, lorsqu'il déclare solennellement que l'utilisation de l'énergie atomique à des fins militaires est un crime, qu'un monde sans armes nucléaires est possible et nécessaire, que le temps est venu de renoncer aux armes nucléaires et de construire une paix collective et concertée. Et enfin, qu'il faut que l'argent consacré à ces œuvres de mort se consacre à un développement humain et la lutte pour le climat. Le 21 décembre 2019, lors de la Journée internationale de la paix, nous avons marché unitairement pour la paix, le climat, la justice sociale et le désarmement nucléaire. continuons d'agir ensemble. Donc c'est une déclaration de Vosges pour la paix. Hein, c'est le bulletin d'information pacifiste, internationaliste et humaniste. Voilà, alors que dire par rapport à ça? Bien, quand il parle d'absence d'écoute et de dialogue, la violence policière, la répression, on en a eu une expérience le 5, hein, puisque moi-même j'ai été gazé, votre serviteur a failli ne pas en réchapper dans une manifestation pourtant pacifique où étaient des vieillards et des enfants. Hein, c'est dire à peu près le niveau de répression, parce que quelques black box qui venaient d'on ne sait où étaient en train de parcourir la rue des Minimes. On ne les a pas arrêtés, apparemment. Enfin, comme je pleurais, je n'ai pas tout vu. Hein, j'étais en train d'enregistrer à ce moment-là. On peut quand même déplorer que dans un pays démocratique, enfin, qui le demeure encore, fort heureusement, mais on peut avoir des doutes quand même sur l'avenir par rapport à cette répression. On avait abordé dans une émission avec Nancy, en particulier Nancy Rizacher, docteur en droit, ce phénomène de répression d'État qui devient vraiment très très préoccupant et qui efface notre démocratie et les droits de l'homme en France. Voilà, ben, je vous laisse méditer au cours de cette journée. Que je vous souhaite un meilleur possible et je vous donne rendez-vous jeudi prochain si tout va bien.